Explication du Notre Père par saint Thomas d'Aquin, dans la traduction d'un moine de Fongombo, publiée en 1978 aux Nouvelles Éditions Latines. Troisième demande, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Saint Thomas d'Aquin expose en trois points en quoi consiste cette volonté de Dieu. En premier lieu, Dieu veut pour nous la possession de la vie éternelle. En second lieu, la volonté de Dieu à notre égard est que nous observions ses commandements. Quelqu'un en effet désire-t-il un bien, la possession de la vie éternelle? Non seulement il veut ce bien, mais il veut aussi tous les moyens nécessaires à son obtention. D'autre part, cette volonté de Dieu, l'observation des commandements, est accomplie dans les justes, mais elle ne l'est pas encore dans les pécheurs. Nous demandons donc que la volonté de Dieu, c'est-à-dire la grâce d'observer ses commandements, soit faite sur la terre, c'est-à-dire dans les pécheurs, comme elle est accomplie au ciel, c'est-à-dire dans les justes. En troisième lieu, Dieu veut de nous que nous soyons rétablis dans l'état et la dignité dans lesquels le premier homme fut créé. Dignité et état si élevés que son esprit et son âme ne ressentaient aucune opposition de la part de la chair et de la sensualité. Or, cette volonté de Dieu ne peut être accomplie en cette vie. Elle sera réalisée à la résurrection des saints, quand leurs corps ressusciteront, glorieux, incorruptibles et splendides. Ainsi, quand nous disons que votre volonté soit faite, nous prions le Seigneur de réaliser également sa volonté dans notre chair. Dans la demande que votre volonté soit faite comme au ciel, dans la demande que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, le mot ciel désigne notre esprit et le mot terre désigne notre chair. Suivant une démarche identique à la demande précédente du Notre Père, cet exposé est précédé d'un bref propos sur le rôle du Saint-Esprit dans cette troisième demande et suivi d'une conclusion montrant le rapport de cette troisième demande aux béatitudes. Bienheureux ceux qui pleurent parce qu'ils seront consolés. L'Esprit Saint produit en nous un troisième don appelé le don de science. L'Esprit Saint lui-même, en effet, ne produit pas seulement dans les dons le don de crainte et de piété, qui est, comme nous l'avons vu précédemment, un amour délicat pour Dieu. Il rend aussi l'homme sage. David demandait le don de science. Par ces paroles du psaume 118, Seigneur, enseignez-moi la bonté, la sagesse et la science. Et c'est effectivement cette science du bien vivre que le Saint-Esprit nous a enseignée. Parmi les dispositions qui contribuent à la science et à la sagesse de l'homme, la plus importante est cette sagesse qui porte l'homme à ne pas s'appuyer sur son propre sens. Ne vous reposez pas sur votre prudence, est-il recommandé dans les Proverbes. Ceux, en effet, qui présument de leur propre jugement, au point de ne se fier qu'à eux-mêmes et non aux autres, sont considérés comme des insensés. Et ils le sont véritablement. Avez-vous vu un homme sage à ses propres yeux, déclarent les Proverbes. Il faut plus espérer d'un insensé que de lui. Si un homme ne se fie pas à son propre jugement, il le doit à son humilité, car les proverbes enseignent que là où se trouve l'humilité, se rencontre aussi la sagesse. Les orgueilleux, au contraire, ont en eux une confiance exagérée. Le Saint-Esprit nous enseigne donc par le don de science à ne pas faire notre volonté, mais la volonté de Dieu. Par ce don, en effet, nous demandons à Dieu que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel, et en ceci se manifeste le don de science. Quand nous disons à Dieu que votre volonté soit faite, il en est de nous comme d'un malade qui accepte quelque remède amer prescrit par son médecin. Il ne le veut absolument pas, mais dans la mesure où le médecin le veut. Autrement, s'il le voulait de sa seule volonté, il serait un insensé. Nous de même, nous ne devons rien demander à Dieu, si ce n'est la réalisation de ses vouloirs sur nous, c'est-à-dire l'accomplissement de sa volonté en nous. Le cœur de l'homme, en effet, est droit dès lors qu'il s'accorde avec la volonté divine. Le Christ, lui, a réalisé cet accord entre sa volonté et la volonté divine. Je suis descendu du ciel, dit-il, non pas pour faire ma volonté, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Le Christ, en effet, n'a en tant que Dieu qu'une seule et même volonté avec son Père. Mais en tant qu'homme, il a une volonté distincte de celle de son Père. Et c'est en parlant de cette volonté-ci qu'il avait déclaré « Je ne fais pas ma volonté, mais celle de mon Père ». Et c'est aussi pourquoi il nous apprend à prier et à demander « Que votre volonté soit faite ». Mais quelle est la raison d'être de cette prière « Que votre volonté soit faite » ? N'est-il pas dit de Dieu au psaume 113 « Tout ce qu'il veut, il l'accomplit ». Si Dieu fait tout ce qu'il veut au ciel et sur la terre, pourquoi Jésus dit-il « Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel » ? Pour comprendre l'à-propos de cette demande, il faut savoir que Dieu veut pour nous trois choses dont notre prière demande la réalisation. En premier lieu, Dieu veut pour nous la possession de la vie éternelle. Quiconque en effet accomplit quelque chose pour une fin déterminée veut que cette chose atteigne la fin pour laquelle il l'accomplit. Or Dieu fit l'homme, mais non pas sans dessein. Il est écrit en effet au psaume 88 « Serait-ce pour rien, Seigneur, que vous avez créé tous les enfants des hommes ?» Dieu créa donc les hommes pour une fin. Cette fin, ce ne sont pas les voluptés, car les animaux eux aussi en jouissent. Mais c'est la possession de la vie éternelle. La volonté de Dieu pour l'homme est donc qu'il entre en possession de la vie éternelle. Et quand une chose atteint ce pourquoi elle a été faite, on dit qu'elle est sauve. Lorsqu'elle ne l'atteint pas, on dit qu'elle est perdue. Or l'homme a été fait par Dieu pour la vie éternelle. Lors donc qu'il y parvient, il est sauvé, et telle est la volonté du Seigneur sur lui. « C'est la volonté de mon Père qui m'a envoyé, dit Jésus, que quiconque voit le Fils et croit en lui possède la vie éternelle. » Cette volonté est déjà accomplie dans les anges et dans les saints, qui vivent dans la patrie céleste, car ils voient Dieu, le connaissent et jouissent de lui. Mais nous, nous désirons que, comme la volonté divine s'est accomplie dans les bienheureux qui sont au ciel, elle s'accomplisse aussi en nous qui sommes sur la terre. Et notre désir, nous en demandons la réalisation au Père Céleste par cette prière « Que votre volonté soit faite » en nous qui sommes sur la terre, comme elle est faite dans les saints qui sont au ciel. En second lieu, la volonté de Dieu à notre égard, et que nous observions ses commandements. Quelqu'un désire-t-il en effet un bien? Non seulement il veut ce bien objet de son désir, mais il veut aussi tous les moyens nécessaires à son obtention. Ainsi le médecin, pour obtenir au malade la santé, veut pour lui la diète, les remèdes et les autres choses de ce genre. Or Dieu veut pour nous la possession de la vie éternelle. Au jeune homme qui lui demande « Que dois-je faire de bon pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Dieu répond « Si tu veux entrer dans la vie éternelle, garde les commandements. » Saint Paul écrit à ce propos « Que votre obéissance soit spirituelle. Puissiez-vous expérimenter quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite ?» Bonne, cette volonté de Dieu, elle l'est, puisqu'elle est utile. Moi, le Seigneur, dit Dieu, je vous apprends des choses utiles. Agréable, la volonté divine l'est à celui qui aime. Et si elle est rebutante pour celui qui n'aime pas, pour ses amants du moins, elle est délectable. La lumière s'est levée pour le juste, dit le psalmiste, la joie pour les cœurs droits. La volonté de Dieu est aussi parfaite, parce qu'elle est d'une bonté supérieure à tout. « Soyez parfaits, prescrivait Jésus aux foules, comme votre Père céleste est parfait. » Ainsi donc, quand nous disons « Que votre volonté soit faite », nous demandons la grâce d'observer les commandements de Dieu. Or, cette volonté de Dieu est accomplie dans les justes, mais elle ne l'est pas encore dans les pécheurs. Les justes sont désignés par le ciel, les pécheurs par la terre. Nous demandons donc que la volonté de Dieu soit faite sur la terre, c'est-à-dire dans les pécheurs, comme elle est accomplie au ciel, dans les justes. Il faut remarquer ceci, que Jésus, par la manière même dont il a formulé la troisième demande du Notre Père, nous donne un enseignement. En effet, il ne nous fait pas dire à Notre Père « Faites votre volonté », ni non plus « Que nous fassions votre volonté », mais il nous fait dire « Que votre volonté soit faite ». Deux choses en effet sont nécessaires pour parvenir à la vie éternelle, à savoir la grâce de Dieu et la volonté de l'homme. Et bien que Dieu ait fait l'homme sans l'appeler à coopérer avec lui, cependant il ne le justifie pas sans sa coopération. Celui qui t'a créé sans toi ne te justifiera pas sans toi, dit saint Augustin dans son commentaire sur saint Jean. Dieu en effet veut cette coopération de l'homme. Il dit en Zacharie: Convertissez-vous à moi et je me convertirai à vous. Et saint Paul écrit: C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, et sa grâce n'a pas été inactive en moi. Ne présumez donc pas de vous-même, mais confiez-vous en la grâce de Dieu. Ne renoncez pas à votre effort, mais apportez votre collaboration. Et c'est pourquoi Jésus ne nous fait pas dire que nous fassions votre volonté. Autrement, il semblerait que la grâce de Dieu n'a rien à faire. Et il ne prescrit pas non plus de dire faites votre volonté, sinon il semblerait que notre volonté et notre effort ne servent à rien. Mais Jésus nous fait dire que la volonté de Dieu soit faite, c'est-à-dire par la grâce de Dieu à laquelle nous joignons notre travail et notre effort. En troisième lieu, Dieu veut de nous que nous soyons rétablis dans l'état et la dignité dans lesquels le premier homme fut créé. État et dignité si élevés que son esprit et son âme ne ressentaient aucune opposition de la part de la chair et de la sensualité. Aussi longtemps que l'âme fut soumise à Dieu, la chair fut soumise à l'esprit, si parfaitement qu'elle n'éprouva ni la corruption de la mort, ni l'altération de la maladie et les autres passions. Mais à partir du moment où l'esprit et l'âme, qui tiennent le milieu entre Dieu et la chair, se rebellèrent contre Dieu par le péché, aussitôt le corps se rebella contre l'âme, et il commença à éprouver les infirmités et la mort, et continuellement sa sensibilité se révolta contre l'esprit. Ce qui fait dire à saint Paul: Je vois dans mes membres une loi qui lutte contre la loi de ma raison. La chair convoite contre l'esprit, et l'esprit contre la chair. Ainsi, il y a une guerre incessante entre l'esprit et la chair, et l'homme est sans cesse rendu de plus en plus mauvais par le péché. C'est donc la volonté de Dieu que l'homme soit rétabli dans son premier état, c'est-à-dire qu'il n'y ait rien dans sa chair d'opposé à son esprit. Ce que saint Paul exprime ainsi: Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Or, cette volonté de Dieu ne peut être accomplie en cette vie. Elle sera réalisée à la résurrection des saints, quand leurs corps ressusciteront, glorieux, incorruptibles et splendides. Suivant la parole de l'apôtre: Semé dans l'ignominie, le corps ressuscitera dans la gloire. Cependant, la volonté de Dieu est réalisée ici-bas, dans l'esprit des justes, par leur justice, leur science et leur vie. Aussi, quand nous disons que votre volonté soit faite, nous prions le Seigneur de réaliser également sa volonté dans notre chair. Suivant cette explication, dans la demande que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, le mot ciel désigne notre esprit, et le mot terre désigne notre chair. et le sens de cette demande, et que votre volonté soit faite sur la terre, c'est-à-dire dans notre chair, comme elle est faite au ciel, c'est-à-dire dans notre esprit, par la justice. Cette troisième demande de l'oraison dominicale nous fait parvenir à la béatitude des larmes, que le Seigneur nous a fait connaître dans le serment sur la montagne, bienheureux ceux qui pleurent parce qu'ils seront consolés. Il est aisé de le montrer en reprenant les trois points de notre exposition. Premièrement, Dieu veut pour nous et nous fait désirer la vie éternelle. Par cet amour de la vie éternelle, nous sommes amenés à verser des larmes. Hélas, chantait le psalmiste, qu'il est long mon exil. Et ce désir de la vie éternelle chez les saints est si véhément qu'il les fait aspirer à la mort, bien que celle-ci par elle-même soit un sujet d'aversion. Nous préférons quitter ce corps, disait saint Paul, et aller jouir de la présence du Seigneur. En second lieu, ceux qui gardent les commandements du Seigneur pour obéir à la volonté de Dieu sont aussi dans l'affliction. Car si les préceptes sont doux pour l'âme, pour la chair, ils sont amers parce qu'ils la mortifient. Parlant de leur chair, le psalmiste dit des justes : ils s'en vont tout en pleurs. Et à propos de leur âme, il ajoute : ils viennent en exultant. En troisième lieu, nous avons parlé de la lutte incessante de notre chair et de notre esprit entre eux. Cette lutte est également un sujet de larmes. Il est en effet impossible que l'âme, dans ce combat, ne reçoive pas quelques blessures de la part de la chair, au moins celle des péchés véniels. L'obligation d'expier ses fautes lui est un sujet de larmes. Chaque nuit, c'est-à-dire aussi longtemps que durent les ténèbres de mes péchés, dit le psalmiste, de mes pleurs j'arroserai mon lit, c'est-à-dire ma conscience. Ceux qui pleurent ainsi parviennent à la patrie. Dieu daigne nous y conduire. Ainsi prend fin l'explication de la troisième demande du Notre Père, que votre volonté soit faite, par saint Thomas d'Aquin.